Poutine en rêvait, Saakashvili le lui a accordé. Ainsi pourrait-on résumer grossièrement les derniers événements de Géorgie qui amorcent peut-être l'émergence d'une nouvelle guerre froide. Alors, ce rêve de Vladimir Poutine, il tient tout entier dans cette ancienne déclaration du président russe, devenu aujourd'hui Premier ministre, mais qui demeure toujours l'homme fort de son pays. L'éclatement de l'URSS a été la plus grande tragédie que mon pays a vécue. Un aveu qui explique la politique russe dans le Caucase, car Poutine, en accord avec une large majorité de ses concitoyens, n'a toujours pas accepté que l'implosion de l'Empire soviétique ait ruiné l'œuvre colonisatrice de la Russie traditionnelle. Les regrets d'autant plus amers que dans tous les États issus de ce démembrement, les Américains taillent des croupières aux Russes et essaient de s'imposer tant politiquement qu'économiquement. C'est pourquoi l'initiative du président géorgien Saakashvili, en Ossétie du Sud, a été pain béni pour Poutine, qui a aussitôt lancé ses troupes en Géorgie sous le prétexte de venir au secours des Ossètes. Une revanche qui préfigure peut-être d'autres reconquêtes. J'ai donc demandé à M. X de décrypter cette actualité qui a dominé le mois d'août, une actualité qui a aussi une forte odeur de pétrole et de gaz. Permettez-moi d'abord de vous faire observer qu'il y a 3 ou 4 ans, je vous avais déjà fourni tous les éléments qui expliquent le conflit actuel en Géorgie. Mais vous m'aviez dit là, alors que c'était une nouvelle guerre froide qui risquait de surgir dans le Caucase. Et tant à cause des problèmes énergétiques que de la compétition entre la Russie et les États-Unis. Et puis aussi les tensions ethniques. Des tensions exacerbées par ces deux compétiteurs et qui, presque fatalement, devaient déboucher sur une guerre. Donc, je n'ai pas été surpris par ce conflit qui est éclaté au cœur de l'été. Par contre, c'est l'initiative de Saakashvili qui m'a étonné. Quoi, sa décision de réduire le séparatisme cède par la force. Oui, quand je suis à peu près certain que le président Saakashvili a été incité à agir ainsi. Mais par qui, alors? Les Américains, bien sûr. Et le Géorgien est tombé dans un véritable piège, car il pensait que son puissant allié états-unien viendrait à son secours. Ou hausserait suffisamment le ton pour dissuader Moscou d'intervenir. Il n'en a rien été. Et les Russes ont pu écraser la petite armée géorgienne avec une déconcertante facilité. Au prix quand même de nombreuses victimes civiles. C'est malheureusement exact. Oui. Alors pour vous, c'est Bush qui porte la responsabilité de cette affaire? Essentiellement. Car la Maison-Blanche a sous-estimé le désenchantement russe et l'appétit de revanche qui prévaut au Kremlin. Je crois ne jamais vous avoir donné l'impression d'avoir beaucoup de sympathie pour Vladimir Poutine et ses méthodes de gouvernement brutal et même dictatorial, mais il faut bien reconnaître que Moscou a de nombreuses raisons de se sentir agressé par Washington. Encerclé en tout cas, puisque presque tous les pays de l'Europe de l'Est ont basculé dans le camp de l'OTAN. Et puis il y a cette volonté américaine de déployer dans ces pays un bouclier antimissile. Mais pour une fois, allons vite, si vous le voulez bien. Même s'il me faut brièvement revenir aux origines de cette affaire. Sachez d'abord qu'il existe une constante dans la politique étrangère russe, aussi bien sous les tsars que sous les dirigeants soviétiques et aujourd'hui sous Poutine. C'est la nécessité d'avoir accès aux mers chaudes, comme on dit à Moscou. La mer Noire, Méditerranée. Et c'est pour cette raison que les Romanov ont peu à peu conquis le Caucase au prix de guerres très coûteuses en vie humaine. Le pouvoir soviétique n'a pas agi autrement. Après avoir accordé brièvement une relative indépendance à ces républiques caucasiennes, les bolcheviks se sont ressaisis et ont imposé leur joug sur toute la région. Et sous Staline, des populations entières ont été déportées, essentiellement dans le nord du Caucase. Et pourtant, Staline était lui-même caucasien. Géorgien, oui. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il a tenu à ce que sa patrie d'origine demeure fermement ancrée à l'URSS. Enfin, pour compléter ce panorama caucasien, il faut parler du pétrole. En 1914... les gisements de Bakou fournissaient déjà la moitié de la consommation mondiale de pétrole. Bakou qui se trouve en Azerbaïdjan. C'est juste. Mais la découverte du pétrole a rejailli sur toute la Transcaucasie. Et de nos jours, la question pétrolière, mais aussi celle du gaz, reste d'actualité avec la guerre des oléoducs qui est au centre de la confrontation entre les États-Unis et la Russie. Mais nous allons y revenir longuement. Pour l'instant, restons en Géorgie. En 1978, le Kremlin a soudain décidé que le russe serait désormais la langue officielle de la République. Donc à la place du géorgien. Oui, aussitôt c'est une levée de bouclier dans tout le pays. De grandes manifestations sont organisées et Moscou doit reculer. La conséquence, c'est que le nationalisme géorgien est soudain exacerbé et ça va produire de redoutables effets. Mais à préciser. La Géorgie, pièce de la mosaïque caucasienne, est elle-même très composite. à tel point qu'on a pu dire que c'était un territoire en miettes. On y trouve d'importantes minorités nationales, les Abkhazes, les Adjars, les Ossètes, des Azéries, mais aussi des Arméniens, des Russes et même des Grecs. Et ces minorités sont-elles aussi traversées par des courants nationalistes? Évidemment. D'ailleurs, certaines de ces minorités ont été reconnues après la révolution d'octobre comme des républiques autonomes avant d'être fondues dans le moule géorgien. Le sursaut nationaliste géorgien de 1978 a donc forcément ravivé le désir de ces peuples de recouvrer leur autonomie perdue. D'autant que le mouvement national géorgien s'est dressé à la fois contre Moscou et ses minorités qui prônaient le séparatisme. Au printemps 1989, pour manifester à la fois leur volonté de conquérir leur indépendance et leur attachement à l'unité de leur pays, les Géorgiens descendent dans la rue. À Moscou, c'est alors la perestroïka. Hein. Ça n'empêche pas les forces de sécurité soviétiques de réprimer la manifestation avec une extrême violence et de tuer une vingtaine de personnes, ce que là-bas on appelle toujours le dimanche noir. Un vrai choc dans le pays, j'imagine. C'est certain. Et dès le lendemain, ces nationalistes se regroupent au sein d'un front populaire géorgien qui va être le fer de lance de la conquête de l'indépendance. Dès ce moment, un homme émerge, Svlad Khamsagourdia, un dissident de longue date qui va devenir le véritable père de l'indépendance. Ouais, et comment procède-t-il alors? En 1990, alors que le mur de Berlin est déjà tombé et qu'un vent nouveau souffle sur l'est de l'Europe, les Géorgiens sont appelés aux urnes. Le parti de Khamsagourdia obtient un triomphe. Et cet intellectuel est nommé à la tête du Soviet suprême de Géorgie. Le Soviet, parce que le système soviétique est encore en place. Mais pour un peu de temps, oui, mais dès l'année suivante, c'est la fin. D'ailleurs, la dislocation de l'Empire. En 1991, oui. Et la Géorgie, après d'autres républiques comme les États baltes, va voler de ses propres ailes. Une transition en douceur. Effectivement. Et pourtant, il ne va guère se passer de temps avant que la Géorgie ne bascule dans le chaos et la guerre civile. Khamsagourdia, en qui chacun croyait voir un démocrate sincère, se révèle farouchement xénophobe. Et il provoque les minorités, hein? Oui, car ce nationaliste entend mettre en œuvre une véritable purification ethnique. C'est-à-dire chasser tous ceux qui ne sont pas considérés comme de vrais Géorgiens. Et qui représentent presque un tiers de la population. Alors aussitôt, en Abkhazie, en Ossétie du Sud, ça gronde. Les incidents sont nombreux et certains sont meurtriers. Or, comme le pouvoir central, qui ne dispose pas de vraies forces de sécurité, est incapable de ramener l'ordre, il se constitue des milices privées un peu partout dans le pays qui ajoutent au chaos. Ouais, et les Russes Les militaires russes, qui n'ont toujours pas digéré l'effondrement de l'Empire soviétique, n'entendent pas se retirer et font tout ce qu'ils peuvent pour éviter que la Géorgie ne rompe définitivement les amarres avec le grand frère russe. Durant l'automne 1991, l'opposition anti-Khamsagourdia se fait de plus en plus pressante. Certaines manifestations se terminent même par des morts d'hommes. La rallye a lieu à la fin de l'année lorsque deux chefs de clan assiègent le palais présidentiel. Leurs milices sont lourdement armées et disposent même de blindés. C'est la guerre civile. Une guerre civile qui dure plusieurs jours et cause la mort de dizaines de combattants dans chaque camp. Khamsagourdia doit s'enfuir et trouve refuge en Tchétchénie où le chef indépendantiste Doudaïev lui accorde l'hospitalité. Oui, j'imagine que le choix de la Tchétchénie ne doit rien au hasard. Non, puisque les deux hommes sont également hostiles à l'impérialisme russe. Et puis, disons-le tout de suite, la question tchétchène va empoisonner l'évolution de la Géorgie et ses rapports avec Moscou. En tout cas, pour en finir avec les troubles, il faut un homme providentiel. Ah oui, ce sera Edouard Shevardnadze. Hein. Ancien patron du Parti communiste géorgien et surtout ministre des Affaires étrangères de Gorbatchev. Il est très populaire dans son pays natal. Et les Géorgiens comptent sur lui, le renard blanc, pour redresser le pays et en finir avec les divisions. Mais à Moscou, ça grince, car dès son arrivée à la présidence, Shevardnadze lance des appels aux États-Unis. Ah, ce qui doit irriter les Russes. Évidemment, ils ont l'impression d'être trahis. Et qui plus est, par l'un de leurs anciens dignitaires. Alors, est-ce que, malgré la défiance des Russes, Shevardnadze peut rétablir l'ordre en Géorgie? En tout cas, il en a la volonté. Mais la tâche est immense. En dehors même des mouvements irrédentistes, il doit, s'il veut reconstruire son pays, constituer une véritable armée et en finir avec ses milices privées qui agissent comme bon leur semble. D'autant que les partisans de l'ancien président Khamsagourdia n'ont pas renoncé et suscitent de violents troubles en Abkhazie. Le président géorgien doit donc se résoudre à demander de l'aide aux grands voisins russes. Dans l'ouvrage « Les mondes rebelles », voici comment ses auteurs, Jean-Marc Balanci et Arnaud de Lagrange, évoquent l'Abkhazie. Comme ailleurs, Les racines du mal tiennent à l'héritage empoisonné que constituent les délimitations administratives internes de l'ex-URSS, décidées de manière arbitraire par un pouvoir lointain, dont on ne sait s'il a agi par hasard, bêtise ou perversité. Les autorités soviétiques ont ainsi émaillé l'ensemble du territoire de l'ancienne Union d'une série d'abcès géopolitiques potentiels, véritables bombes à retardement, combinant problèmes ethniques, clivages religieux ou linguistiques et rivalités historiques ancestrales. Complètement gelés tant que régnait un pouvoir central fort et totalitaire, ces foyers de tension se sont spectaculairement décongelés dès que l'URSS montra ses premiers signes de déliquescence. L'aide militaire de Moscou se révèle très efficace. Les villes conquises par les rebelles tombent les unes après les autres. Dès la fin 93, il est évident qu'ils ont perdu. Et leur chef, Kamsakhourdia, trouve la mort dans des circonstances restées encore mystérieuses. Malgré cette aide russe, est-ce que Shevardnadze continue à faire les yeux doux aux Américains ? Oui, car ceux-ci s'intéressent de plus en plus au Caucase. À cause du pétrole. Notamment. En particulier pour contrer cette influence que Moscou va soutenir activement les mouvements séparatistes géorgiens en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Alors même que le Kremlin combat par tous les moyens les indépendantistes tchétchènes dans la République voisine. Bon, alors voyons ça de plus près. L'Ossétie du Sud, d'abord. L'Ossétie géorgienne. Oui, car l'Ossétie du Nord, où s'est déroulée il y a 4 ans l'épouvantable tragédie de la prise d'otages de Beslan, est rattachée à la Russie. Au Sud, ils sont à peu près 60 000. C'est très peu, ça, hein ? Oui, mais l'Ossétie a toujours constitué un enjeu stratégique pour Moscou, parce que c'est là que se trouve la seule passe qui permet de franchir la montagne caucasienne. Autre chose. Ossètes et Géorgiens ont longtemps vécu en paix et même en osmose, en particulier parce que les deux peuples sont chrétiens dans un environnement islamique. Alors pourquoi ça va se gâter ? Bah, la cause première, c'est le réveil du nationalisme géorgien. Un réveil qui inquiète les Ossètes ? Bah, naturellement. Ce nationalisme est chauvin et xénophobe. Les Ossètes ont alors peur d'être géorgisés, si vous me permettez ce barbarisme. Et ils ont en partie raison. Dès qu'il arrive au pouvoir, en 1991, le président géorgien, Kamsakhourdia, multiplie les mesures vexatoires vis-à-vis des Ossètes. Des provocations ? Certainement, et qui produisent rapidement leurs effets. Les Ossètes prennent les armes, les Géorgiens ripostent en envoyant des troupes. Et de chaque côté, on fait un saut de cruauté, alors qu'on a si longtemps vécu en paix. C'est un vrai désastre. Et les Russes, alors ? Ah, ils ne peuvent pas rester inertes, d'autant qu'ils rêvent d'annexer l'Ossétie du Sud à la Fédération de Russie. Comme l'Ossétie du Nord, c'est ça. C'est ça, donc ils arment, sont l'avouent publiquement, les combattants Ossètes. Et enfin, devant la dégradation de la situation, ben, ils s'engagent directement. C'est-à-dire militairement, vous voulez dire ? Oui, ouais. Ils imposent la paix. Leur paix, ben, comme aujourd'hui, en somme. Oui, et depuis ce premier conflit, l'Ossétie du Sud est devenue de facto une république autonome qui ne dépend plus de Tbilissi. Et qui vient d'être reconnue par Moscou, hein, à l'issue du dernier conflit. L'autre foyer rédentiste, c'est donc l'Abkhazie, une région située au bord de la mer Noire. Privilégié tant par son climat que par ses richesses naturelles. C'est l'ancienne Colchide. C'est ça. Ouais. Les Abkhazes sont ethniquement et linguistiquement différents des Géorgiens. Le réveil nationaliste géorgien produit les mêmes effets qu'en Ossétie du Sud. On y assiste à un pourrissement progressif de la situation et à l'éclosion d'une vraie guerre dans les années 92-93 qui provoque des milliers de morts. Comme en Ossétie du Sud, les Russes sont fortement impliqués dans ce conflit régional. Et d'abord parce qu'ils possèdent en Abkhazie une puissante base militaire. Et d'autre part, les chefs abkhazes qui conduisent la guerre sont d'anciens membres des forces de sécurité russes. Ah, ils ont donc toujours des accointances avec leurs camarades. Ben, c'est presque obligé. La guerre se termine par la victoire des Abkhazes. Désemparés, Shevardnadze se résigne à faire appel à Moscou pour stabiliser la situation. Ben, j'imagine que c'est ce qu'espéraient les Russes. Bien sûr. La victoire abkhaze, c'est aussi celle de Moscou qui a obligé la Géorgie, au moins provisoirement, à rejoindre le giron russe. Et depuis cette victoire, alors ? Les Abkhazes ont procédé à une véritable purification ethnique. Eux aussi, alors, en chassant les Géorgiens. Eh oui, je crois que plus de 270 000 d'entre eux ont dû fuir l'Abkhazie, de gré ou de force. Depuis, c'est le statu quo. En 1999, les autorités abkhazes ont organisé unilatéralement un référendum qui a consacré, de fait, l'indépendance de leur pays. Mais Tbilissi n'a pas renoncé à reprendre un jour le contrôle de l'Abkhazie, même si ses forces ont été récemment refoulées et que Moscou vient de reconnaître l'indépendance de la République abkhaze. Alors maintenant, voyons la réalité de la compétition entre les États-Unis et la Russie au Caucase. Ouais, il dit que c'est au début des années 90, hein, et donc après l'éclatement de l'Empire soviétique, que les Américains commencent à s'intéresser à la région caucasienne et à l'Asie centrale. Hein. Ouais. Les pétroliers ont alors estimé que la mer Caspienne recelait des gisements importants et que les réserves gazières des républiques d'Asie centrale, Turkménistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, représentaient le quart des réserves mondiales. Un vrai pacteur. Et sur lequel louchaient les grandes compagnies occidentales. Aux États-Unis, surtout, où l'on rêve en permanence de pouvoir desserrer la dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient. Seulement, il se posait un problème d'importance. Mais j'imagine l'évacuation de ce pétrole et de ce gaz. Hein. Effectivement. Et ce n'était pas simple. La mer Caspienne est en effet une mer intérieure, donc enclavée. Il fallait construire des oléoducs. Le trajet le plus court traversait l'Iran. Bon, il n'était pas question de négocier avec cet voyou, selon la terminologie états-unienne. Autre possibilité, au moins pour les ressources asiatiques, c'était l'Afghanistan. Ouais, mais il y avait trop de risques. Les pétroliers ont donc imaginé un oléoduc beaucoup plus long et qui irait de la Caspienne à la Turquie en passant par la Géorgie. Le BTC, Bakou, Tbilissi, Ceyhan, doublé par un gazoduc. Pourtant, notez-le bien, il existait déjà un oléoduc permettant d'évacuer le pétrole azéri vers la mer Noire. Mais cet oléoduc était russe et débouchait sur le port russe de Novorossiysk. Et ça, les Américains n'en voulaient pas. Ils ont donc préféré construire un oléoduc plus long et plus coûteux afin d'écarter la Russie. À Moscou, on a été forcément furieux et on ne s'est pas privé de le faire savoir à Washington. Car c'était une ingérence intolérable dans son précaré caucasien. Il faut en effet savoir qu'un oléoduc, ça rapporte de l'argent au pays traversé, ce qu'on appelle des revenus de transit. En outre, et c'est le cas pour ce gazoduc mis en service en 2006, la Géorgie se voit attribuer gratuitement un petit pourcentage du gaz transporté. Ce qui apparaît assez normal, non ? Bien sûr. Mais c'est autant de gaz en moins vendu par la puissante compagnie russe Gazprom. Et un peu plus d'indépendance énergétique pour la Géorgie vis-à-vis de la Russie. Et donc une raison supplémentaire d'agacement pour les Russes qui ont d'abord annoncé la construction de nouveaux oléoducs et qui ont ensuite exercé des pressions considérables sur les républiques d'Asie centrale et d'Azerbaïdjan afin qu'elles n'envoient pas leur pétrole dans les tuyaux américains. Avec succès ? Les Russes ne sont pas dépourvus de moyens de pression. Prenez le cas de l'Azerbaïdjan. Moscou dispose d'un argument incomparable pour faire céder les Azéris. Le même qu'ils ont d'ailleurs utilisé à plusieurs reprises en Géorgie, l'aide aux irrédentistes. Ouais. La question des séparatistes du Haut-Karabakh qui veulent être rattachés à l'Arménie. Évidemment. Les Russes n'hésiteront jamais à réactiver ce conflit pour empêcher que Bakou ne se livre à un flirt exagéré avec les Américains. Et l'argument est d'autant plus fort que la clé du problème se trouve à Moscou. Expliquez-moi. Seuls les Russes, traditionnellement très liés aux Arméniens, pourront un jour persuader ces derniers d'être plus accommodants en ce qui concerne cette douloureuse question du Haut-Karabakh. Les Azéris ne peuvent donc pas rompre avec Moscou ? Eh, telle est la vérité. Dès 1997, l'ancien conseiller de Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, dévoile clairement les objectifs de la politique états-unienne dans le Caucase. Et dans son livre, Le Grand Échiquier, il écrit, je cite, « Un Azerbaïdjan indépendant, turcophone, équipé de pipelines allant de son territoire à la Turquie, pays avec lequel il partage des liens ethniques et qui lui apporte son soutien politique, empêcherait la Russie de détenir un monopole sur l'accès à la région et la priverait d'une influence stratégique décisive dans les régions politiques des nouveaux États d'Asie centrale. Quant aux Russes, la journaliste du Monde, Marie Jégot, détaille en 2004 leurs propres ambitions et les moyens pour les accomplir. Dominer l'espace post-soviétique, reconquérir cette zone considérée par la Russie comme relevant de la sphère de son intérêt traditionnel, tel est l'un des objectifs affichés par le Kremlin à l'aube du second mandat de Vladimir Poutine. La doctrine Ivanov, du nom du ministre russe de la Défense, illustre parfaitement cette stratégie, elle qui place tout l'espace post-soviétique à la merci de frappes préventive. Si la question de la ressource pétrolière et de son exploitation est au centre de la rivalité entre les États-Unis et la Russie dans le Caucase, il y a aussi des éléments plus nettement politiques. Dès l'implosion de l'Empire soviétique, les Occidentaux, mais enfin surtout les Américains, ont avancé leur pion. Dans le but d'affaiblir la Russie. Et d'ancrer franchement à l'Ouest les pays qui venaient d'être libérés de la tutelle soviétique. Très vite, les Américains ont fait des appels du pied aux autorités de ces pays. Et pour ne parler que de la Géorgie, la démarche a été couronnée de succès. Peu après son arrivée au pouvoir, en 1992, Edouard Chevanardze, une des chevilles ouvrières de la perestroïka, s'est clairement tournée vers les États-Unis. En demandant de l'aide, hein ? Certainement. Ouais. La Géorgie était alors dans un grand délabrement économique, miné par l'existence des mafias et des différentes menées séparatistes. Ouais. Et les Américains ont répondu présent. Tout de suite. Il faut savoir que la Géorgie a bénéficié un temps du deuxième rang mondial pour ce qui est du montant de l'aide directe états-unienne par habitant. Ouais, le premier pays étant... Israël, bien évidemment. Ah ouais. Bon, ça montre donc que Washington accorde un grand intérêt à ce pays auquel aurait été livré depuis 1992 plusieurs milliards de dollars. Et pas pour des raisons philanthropiques, vous l'imaginez bien. Ouais, pour détacher la Géorgie de la Russie. Les Russes ont riposté, d'après ce que j'ai compris, en aidant les mouvements séparatistes en Géorgie. Chevardnadze, qui est resté au pouvoir pendant plus de 10 ans, a donc dû jouer une partie très difficile. D'un côté, il savait que s'il contrariait Moscou, l'unité de son pays serait mise à mal. Et de l'autre côté, il avait besoin de l'aide économique américaine. Ben voilà. Ouais. Et cet équilibre a été très difficile à tenir. Mais le renard blanc, Chevardnadze, a été suffisamment habile pour s'en sortir pendant de longues années. Toutefois, le problème s'est compliqué. D'abord avec le déclenchement de la deuxième guerre de Tchétchénie en 1999. Et l'accession de Poutine au pouvoir. Hein. Qui a été suivi par un durcissement de la politique russe. Mais c'est surtout le 11 septembre qui a modifié la donne. Parce que les attentats du World Trade Center ont eu des répercussions jusqu'en Géorgie ? Ben bien sûr. Enfin, je vous explique. La question tchétchène, d'abord. La Géorgie se trouve aux portes de la Tchétchénie. Et presque naturellement, les combattants indépendantistes poursuivis par l'armée russe ont été tentés de trouver momentanément refuge dans les montagnes géorgiennes. Ouais. Mais quelle était la politique de la Géorgie dans cette guerre ? Neutre, en principe. Mais les Géorgiens pouvaient très bien avoir envie de rendre l'appareil aux Russes qui avaient si longtemps soutenu leurs séparatistes. C'était bonne guerre, si je puis dire. Les autorités géorgiennes ont en particulier accepté que des Tchétchènes trouvent refuge au nord-ouest du pays, dans un endroit très difficile d'accès, les gorges de Pankissi. Ces réfugiés, qui étaient-ils ? Essentiellement des civils qui fuyaient la guerre. Mais il s'est certainement glissé parmi eux des maquisards, des résistants qui venaient se reposer un moment et même s'entraîner avant de repasser en Tchétchénie. On a aussi prétendu que parmi ces milliers de réfugiés se trouvaient également des combattants arabes. Ah, les fameux wahhabites. Oui, dont certains auraient été liés à Al-Qaïda. En tout cas, ces gorges de Pankissi deviennent une sorte d'abcès de fixation pour les autorités russes qui exigent de Tbilissi qu'il soit mis fin à l'existence de ce foyer terroriste. Et qu'en est-il en réalité ? Bon, franchement, je pense que Moscou se sert surtout de ce prétexte pour essayer de s'ingérer dans les affaires géorgiennes. Et c'est alors qu'intervient le 11 septembre. Bush et Poutine déclarent l'union sacrée pour lutter contre le terrorisme international. Ce qui arrange bien Poutine qui entend justifier ainsi sa guerre tchétchène. Aux yeux de l'opinion. Et le maître du Kremlin obtient un blanc-seing de Washington pour conduire sa sale guerre. Mais, ce faisant, il permet aussi aux Américains de s'immiscer encore plus étroitement dans le Caucase. Et comment alors ? Eh bien, l'administration américaine prend les Russes à leur propre jeu. Puisque la priorité est désormais la lutte contre le terrorisme, la Maison-Blanche affirme sa volonté d'agir sur le terrain. Et au début de 2002, avec l'autorisation de Tbilissi, les Américains envoient en Géorgie des instructeurs militaires chargés de lutter contre les agents d'Al-Qaïda, censés être infiltrés dans le pays, notamment dans ces fameuses gorges de Pankissi. Un prétexte, encore une fois. Hein. Ben, j'en suis persuadé. L'important pour les États-Unis, c'est de prendre pied militairement en Géorgie. Combien d'instructeurs, là ? Ouais, c'est peu, 200 hommes, je crois. En fait, ces conseillers militaires des Bérets Verts s'occupent bien plus d'entraîner l'armée géorgienne que de lutter contre les prétendus terroristes d'Al-Qaïda. Et symboliquement, il s'installe sur une base russe désaffectée. Ah, ça, c'est une vraie provocation pour Moscou. En tout cas, ça y ressemble. D'autant que Washington obtient des privilèges insensés pour ses instructeurs. Un accord de partenariat signé entre Washington et Tbilissi autorise ainsi les militaires américains à être dispensés de toute formalité consulaire et même à transporter des armes sur le territoire géorgien sans subir le moindre contrôle des autorités géorgiennes. Ouais, quelque chose, quand même. Mmh. Et à cette époque, alors, Edouard Chevardnadze est encore au pouvoir. Hein. Plus pour longtemps, car les Américains travaillent déjà à son remplacement. Vous voulez dire que les États-Unis ont joué un rôle dans le renversement du président géorgien en 2003? C'est ce qu'on a appelé la révolution des roses? C'est certain. Mais qu'est-ce que les Américains pouvaient reprocher à Chevardnadze qui leur avait déjà consenti de nombreux privilèges? Et leur avait pratiquement ouvert son pays au risque de se fâcher définitivement avec Moscou. Alors je vous réponds. En Géorgie, Washington avait besoin de stabilité et d'une nouvelle génération de dirigeants aptes à renforcer encore plus les liens avec l'Occident. Et malheureusement, Chevardnadze leur a fourni un prétexte inespéré pour agir. C'est-à-dire ? Depuis longtemps, l'ancien dirigeant soviétique n'était plus l'homme providentiel que les Géorgiens avaient appelé de tous leurs vœux en 1992. On lui reprochait, outre son impuissance à réduire les séparatistes abkhazes et ossètes, la pagaille généralisée qui régnait dans tous les rouages de l'administration et son népotisme. Sa famille avait en effet peu à peu accaparé toutes les sphères du pouvoir et s'était scandaleusement enrichi. Ouais, la corruption, donc. Hein. Et Chevardnadze était de plus en plus contesté. Or, comptant bien aller jusqu'au bout de son mandat prévu en 2005, le président géorgien a accepté que les élections législatives de septembre 2003 soient entachées de multiples fraudes. Ah, parce qu'il voulait à tout prix rester au pouvoir. Oui, oui, la réaction de la rue était presque immédiate. Mais les manifestations populaires qui ont abouti à la destitution pacifique de Chevardnadze n'ont pas été aussi spontanées qu'on l'a prétendu. En réalité, cette révolution de velours a été minutieusement préparée. Par les Américains ? Et je le crois par un homme en particulier, George Soros. Le financier. Lui-même, ouais. Ce chantre du libéralisme, a cru trouver dans le renversement de Chevardnadze matière à illustrer ses théories sur une meilleure gouvernance, comme dirait un ancien premier ministre de chez nous. En tout cas, d'après ce que je crois savoir, Soros a consacré des millions de dollars à aider les opposants géorgiens, surtout les étudiants qui ont joué un rôle éminent dans cette affaire. Alors Soros, éminence grise de la Révolution des Roses. Et pourquoi pas ? N'a-t-il pas aussi puissamment aidé les étudiants serbes qui ont participé à la révolution qui a permis de chasser Slobodan Milosevic ? Et d'ailleurs, quelques témoins affirment que certains de ces étudiants serbes sont venus apprendre à leurs camarades géorgiens la meilleure façon de venir à bout d'un dirigeant contesté. Enfin, quoi qu'il en soit, la Révolution des Roses de Mikhail Saakashvili a permis aux États-Unis de marquer des points décisifs en Géorgie. Et la Banque mondiale a décidé de débloquer des fonds pour le financement de l'oléoduc BTC, quelques jours seulement après le renversement en douceur de Chevardnadze, ce qui a permis à ce pipeline d'entrer en service en 2006. Coïncidence, là ? Bon, vous savez bien que je n'y crois guère. Et puisque nous parlons de coïncidence, il me faut souligner d'autres qui annonçaient clairement que quelque chose se préparait en Géorgie. Mais curieusement, ces faits très récents n'ont pas été mis en valeur par la presse alors qu'ils étaient particulièrement éclairants. De quoi voulez-vous parler, là ? À la mi-juillet, les autorités géorgiennes ont mené une opération policière sans précédent dans une province du Sud peuplée majoritairement d'Arméniens, la Djavakhétie. De nombreux militants d'un mouvement local d'opposition ont été raflés, transférés en toute illégalité à Tbilissi, où ils attendent toujours un éventuel procès. Non mais quel rapport avec les événements du mois d'août, là ? Le fameux oléoduc BTC passe par cette petite région remonte. Et manifestement, Saakashvili, qui s'apprêtait déjà à intervenir militairement en Ossétie du Sud, voulait avoir les mains libres et ne pas avoir d'ennui avec des opposants dans ce territoire sensible. Oui, peut-être. Et autre chose ? Oui. Quelques jours plus tard, un attentat a frappé le pipeline BTC à l'est de la Turquie, ce qui a occasionné sa fermeture provisoire. Et qui a perpétré cet attentat ? Les autorités turques ont hâtivement accusé les indépendantistes kurdes. Sans preuve. Naturellement. Mais si l'on cherche à qui a profité le crime, on regarde forcément vers Moscou. Moscou qui cherche par tous les moyens à décrédibiliser le BTC en prouvant sa vulnérabilité. Moscou qui, au contraire, met en valeur la sûreté de son propre oléoduc qui achemine le pétrole vers son port de Novorossiysk et a même convaincu l'Azerbaïdjan d'utiliser exclusivement son pipeline. Alors, qu'en concluez-vous ? Bon, ce faisceau de faits montre que l'affaire Ossète ne peut se comprendre qu'en décryptant ce grand jeu qui se joue entre la Russie et les États-Unis. Alors, dans une affaire aussi formidable, Géorgiens, Abkhazes et Ossètes ne sont que des pions qu'on peut déplacer à volonté. Pour finir, j'emprunte ce texte prémonitoire à Pierre Biarnès, auteur de L'Empire du Monde, les Américains aux frontières de la Russie et de la Chine, un ouvrage paru en 2003, édition Ellipse. De la guerre de Tchétchénie au conflit du Haut-Karabakh, en passant par les tensions ethniques qui menacent la Géorgie d'éclatement, comme dans les rivalités qui se sont développées entre les compagnies pétrolières russes et occidentales à propos du tracé des oléoducs et des gazoducs acheminant les hydrocarbures de la Caspienne et de l'Asie centrale vers les marchés européens, on voit se recouper, au cœur du Caucase, les deux axes stratégiques majeurs de la lutte entre Moscou et Washington dans cette région du monde, à savoir un axe nord-sud, Moscou, Erevan, Téhéran, New Delhi, et un axe est-ouest, Ankara, Bakou, Asie centrale turcique, impulsé par les États-Unis pour contrer la volonté de la Russie de poursuivre sa politique pluriséculaire d'accès aux mers chaudes de l'océan Indien. Mais il n'est pas certain que les nouveaux argonautes venus d'outre-Atlantique auront plus de chance que Jason autrefois de ramener la toison d'or de l'antique Colchide, ni que les intrigues avec quelques médées géorgiennes ou azerbaïdjanaises ne se termineront pas, elles aussi, dans la tragédie. À lire le très beau roman de Semyon Lipkin, L'histoire d'Alim Safarov, écrivain russe du Caucase, paru en février dernier aux éditions de l'Aube et qui raconte la tragique déportation des peuples nord-caucasiens par Staline en 1944. Je vous signale aussi la récente parution d'un ouvrage particulièrement éclairant de Rumiana Ugarchinska, La guerre du gaz, aux éditions du Rocher. Mais nous aurons certainement l'occasion d'en reparler avec M. X. Et puis, n'oubliez pas aussi Les espions russes de Staline à Poutine, coédité par France Inter.